Salut, c'est Ikiwa Mathieu pour vous dire ce qui s'en vient cet après-midi à Assemblage Requis. Maxime Lemieux-Laramé nous fait ses suggestions de téléchargement avec sa chronique Télécharge quoi. Et dans la chronique technologique CNX, on fait un petit voyage dans le futur de la technologie. Tout ça, c'est à compter de 15h à Assemblage Requis.